Si j'en crois des esprits chagrins, l'apocalypse est pour demain. Le monde finit comme il naquit. C'est pour la fin du millénaire, au soir de ce siècle puissant, que tout doit retourner poussière, qu'enfin le règne du néant suppléera celui des lumières. Pour une raison encore obscure, sur l'ordre du maître des ombres, un cataclysme sans mesure dans le fracas et la pénombre punira toutes vos forfaitures. L'arrivée du dia ciré, les quatre avions au firmament seront les signes nous annonçant que nous finissons d'exister et entrons dans l'éternité. Mais à ces tristes prédictions, ces prophètes ont des solutions. Secte putride ou bien suicide, ils vous enrôlent dans leurs enfers et pour le tiers de votre salaire feront de vous des grabataires. Mais qu'est-ce que l'argent après tout quand on s'occupe si bien de vous? Les gourous des ordres solaires ont le même but que les dealers. Pour des gens proches de la débâcle, ils offrent leur remède miracle, drogue paradis éphémère. Il en est même qui vous jurent qu'en acquittant toutes leurs factures, vous aurez un havre de paix à l'abri de tous les coups durs. Vous serez les nouveaux Noé. À tous ces faux prédicateurs qui s'enrichissent de nos malheurs, à ces génies d'antipathie, je voudrais dire qu'à mon avis, si un jour le monde finit, il sera alors assez tôt pour me tuer, me foutre à l'eau, et ce sera sans hérésie. Pour l'instant je ne veux pas d'eux, je profite du mieux que je peux, de ce que j'ai, de ce que je veux, et jusqu'au grand chambardement je profiterai de tout mon temps. Je profite du mieux que je peux, de ce que j'ai, de ce que je veux, et jusqu'au grand chambardement je profiterai de tout mon temps.